Pouah ! Elle défonce la prod. Ouais, ça va. Oh, putain, vous êtes dur. Non, je pense à des trucs pour mon solo dessus là. Fais écouter un peu là, ça fait... ce que ça donne. J'attends d'être au sommet pour toi, c'est les jambes traitantes, sale mioche. Je mets toujours la barre plus haute, Jean Galfionne. Ouais. Aïe. Ouais, je sais pas. C'est ouais. De la merde. Hein. Ah, t'as changé depuis que t'es parti au Danemark là. Il rappe comme ça là-bas. Non, vous êtes sérieux les gars? Non mec, c'est de la merde. Ah vas-y, non mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Hein. Vas-y. Je vous le dis ce coup, si je risque d'avoir de tout petits soucis emmerdants, car je fais des gousi-gousi à ton pussy tout liste devant les gens d'argent. Non, arrête, tu t'es du père là, tu t'es complètement perdu. Putain. Non, c'est pas top, non. Vas-y, mais franchement, Nick, je vais faire le truc de début que j'avais prévu. Fix Pencil. Un vers c'est moral, mais faire trembler la terre, tout voir rampe et de trancher la langue et l'artère fémorale. Je pratique les techniques anciennes, puis comme le mosquito, puis c'est comme il faut ce qu'il faut. J'irai sacrifier l'essentiel, laisse tomber la boucle, les boucles, les comptes, les secondes restantes. J'ai sondé la foule, c'est tout bon, mais lions répondent présentés devant une pile d'artistes. Le taf, je te défais d'une traite, je brosse ou lift ma rime. Normal que les faits te surprennent, hésite entre faire tout le temps semblant ou te vendre en quête de gloire. Cesse de croire, chute que sans ambiance double tranche, chante, laisse le choix, je baisse le voile ou demande en bourse, je te rentre en pleine, se fâche, reste le poids lourd de stange. En scratch de coiffe, photo, j'taffe, marine finie, des phases grillées, j'gravis l'écart qui sépare les mini des maxi, yes. Je sais, ok, c'est la street ici, mes pattes, puis t'y savent, mais Jacques. Depuis que la discipline est partie, chier, j'veux pas d'une bombasse, ni vivre au bras d'une blonde alcoolique, j'te lâche une bombasse, faut que tu repartes sur de bonnes bases, jolie. Ne viens pas nous dire que ça pue, déjà vu le son de claque. Promis, tu veux raccourcir ta jupe, t'assumes compte mat, logique. Compte pas les syllabes, c'est hardcore. D'abord, les mots se compactent, les synapses les absorbent. À force, on taxe, mec, d'être inacceptable, genre. Flow inarrêtable, monde s'en fait. Signale que ça storche, amorce et fix pencil, la poésie des caves, mec le haut débit des rimes est triple et comment chiffrer ça? Fix pencil, la poésie des caves, mec le haut débit des rimes est triple et comment chiffrer ça? Devra prendre tes distances avec les grands truands du chantage, les types dans les clips que des putes en jupe fendue en balle. Et vu que leurs tubes se vendent et sont de plus en plus rentables, alors ils perdent les pédales et s'enculent en buvant du champagne. Je suis le monologue du méchant gars, le cosmonaute du néant par le monopole du game en face. Je m'impose l'unique en bas de la liste. Trop de propos que tu payes en cash, les drogues te font tuer le temps. Sache qu'il faut pas polluer le mental dans le rap, tu serais en classe pratique. Halte la patte crari, je traîne pas dans les zones hardcore. Me déplace dans les tornades comme le diable de Tasmanie. Mat sera d'asthmatique, je ne rentre dans aucune de vos catégories. J'acte vos rimes fades à ce que l'arnaque fascine. Génération néfaste, éduquée par les thunes, presque émue par le son des armes, des douilles de pur zèbre claque et d'une traite. Abnégation des braves, élévation des marques, des tracks, c'est des bases dans des crabes. D'élevage mes faces des prunes fraîches. Crier n'est pas plus charismatique que de mettre des shorts. Ok, l'amour en aveugle, les fanatiques se prennent des portes. Fuck, j'flotte hors de tout ordre que les normes vous donnent. Clan et déterre comme une horde louche. Mordrait les hommes que pour compenser les pertes. J'suis quasiment le best à ce pas de Paris possible. J'lâche des phases rimes belle façon. Sac de Marie Popinsa, mec. Ton avis flanche, c'est pas qu'une vaste blague inaudible à terme. Pris que le rap d'air flanche. Je ne rêve pas de ce taf ni de vos chiffres d'affaires. Fix pencil, la poésie des caves. Le concept, c'est que tant qu'il est phase et qu'on remplisse les salles de concert, l'échafaud est monté. Ce sera sanglant, j'ai pisté vos traces. La sentence est irrévocable, le marteau est tombé.